Hey Eric, il y a un sondage ce matin qui nous montre que d'un océan à l'autre, il y a à peu près la moitié des Canadiens qui s'en foutent pas mal de ce qui se passe et de ce qu'on essaye de faire prendre comme controverse avec le mouvement Idle No More. Les Autochtones qui font la grève de la faim avec du bouillon de poisson, du bouillon de poulet. On dirait que le mouvement de sympathie naturelle qu'on avait pour tout ce qui s'appelle la controverse autochtone, qui était peut-être là il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, la réalité a changé pas mal, hein? Mais oui, écoutez, là, c'est toute cette campagne-là de Idle No More est en train complètement de dévier. C'est en train de se retourner contre eux autres, carrément. Mais oui, c'est devenu une grosse farce, là, puis je veux dire, puis en plus, la première erreur, ça a été de mettre Theresa Spence comme porte-parole. OK, ça, c'est la leader, là, la chef autochtone de la réserve d'Attawa-Piscate, nord-est de l'Ontario, qui est et mange du bouillon de bois, du bouillon de poisson depuis quoi, presque 50 jours maintenant. A gagné 3 livres depuis le début de son régime. Exactement. En tout cas, elle dit qu'elle a perdu du poids, mais il n'y a pas personne, il n'y a pas de caméra qui s'en est rendu compte, puis elle filme à tous les jours sans arrêt. Radio-Canada est dans le tipi avec elle à temps plein. Et donc, cette dame-là qui fait bien pitié, qui est celle que depuis on a vu, il y a eu un rapport de Deloitte qui a été rendu public où on apprend comment elle a dilapidé 106 millions de dollars d'argent de vos taxes depuis 7 ans, alors qu'elle et son conjoint se prenaient des salaires de 350 000 piastres par année non imposables et qu'il y avait 25 des 300 familles sous sa réserve qui n'avaient même pas d'eau courante puis d'électricité dans la maison. Quand on voit tout ça, puis là je pourrais continuer la liste là, de tout ce qui est sorti, mais ce que je veux dire c'est que on voit vraiment qu'il y a une crise de leadership dans la communauté autochtone. Il y a clairement des divisions sérieuses. Vous avez vu qu'il y a eu une rencontre entre Stephen Harper et des leaders autochtones, notamment le président de l'Assemblée, le chef de l'Assemblée des Premières Nations. Et là, il y a comme une crise de leadership parce qu'il y a un débat. C'est comme des partis politiques, si vous voulez, à l'intérieur de la communauté autochtone. Puis là, ils se divisent entre eux autres. Puis la gang de Theresa Spence, eux autres, ils sont contre le leadership de l'Assemblée des Premières Nations. Fait que là, ils essayent de miner ça. Fait que c'est devenu là une espèce de chicane interne entre autochtones. Que là, arrêtez de brailler, puis arrêtez de bâcher le gouvernement conservateur, puis dire qu'ils ont pas le cœur à bonne place, puis que la solution, c'est de mettre plus d'argent. Plus d'argent, ça veut dire plus de corruption, puis qu'on remplit encore plus les poches de monde comme Theresa Spence. C'est pas ça qu'on veut. Donc le tout ça pour vous dire que le problème, oui, il y a un problème, c'est réserve, puis il faut être solidaire avec les Autochtones qui ont pas d'électricité, qui ont pas d'eau, qui ont pas d'éducation, qui ont des conditions misérables, qui sont inacceptables au Québec en 2013, puis au Canada. Mais sauf que le problème, il y a une corruption sur ces réserves-là, c'est pas un problème de fonds publics, c'est juste ça que je veux dire. Exact. Hey, 7h57, Duhem No More, bonne journée. Salut. Eric. Merci les gars, bonne journée, ciao. Salut, Eric Duhem, concernant le phénomène Idle No More, puis la commission Charbonneau. Hey, juste, ça me fait rire, Rich m'envoie des chiffres concernant le régime de Theresa Spence. T'sais, parce qu'elle est supposée d'être en grève de la faim, mais ce qu'elle prend, ça s'appelle du bouillon de poisson. Ben, moi, ma blonde, elle m'interdit de manger, tu sais, des ramen, là, tu sais, ouais, des espèces de soupe en sachet. Elle m'interdit de manger ça parce qu'elle a appris avec l'histoire de Theresa Spence que la rétention d'eau, ce serait pas bon pour moi, pour mon poids. Une tasse de bouillon de poisson comme Theresa Spence prend pour survivre, c'est 700 calories. 700 calories, c'est plus qu'un Big Mac. Oui. Fait que c'est un régime super size me. Ah non, c'est ça, ma blonde, j'étais allé pisser la fin de semaine, elle dit, tu touches pas à ça, t'as-tu compris? Les ramen, t'es laisses à la tablette du IGA, c'est-tu clair? Parce que juste ça, je mange ça quand j'arrive de la job. Tu sais, c'est vite fait, ça va bien. Ah ouais? Oh oui! Mais il y a du sel en sacrément là-dedans, là, tu sais. Fait que ça m'aide pas, là. Ça m'aide pas pour mon ventre, là. 3 tasses par jour, c'est 2100 calories. C'est le régime de Theresa Spence. Donc, c'est du stock en masse, là. L'alimentation standard de quelqu'un qui veut pas perdre de poids pis qui est moindrement actif, c'est à peu près ça, 2000-2100 calories. C'est parce que si elle veut pas perdre de poids, elle est aussi bien de faire comme moi, là. Pis prendre de la bière une fois de temps en temps, manger de la pizza pis manger de la poutine. C'est ça. T'es mieux de faire ça. Aussi bien d'avoir du fun. Ben oui. Hein?